بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام في كتاب الصيام من عمدة الأحكام. Nous continuons donc dans le chapitre du jeûne tiré du livre عمدة الأحكام de l'Hafidh Abd al-Ghani al-Maqdisi rahimahullah. الحديث الأول. Le premier hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. Le premier hadith selon أبي هريرة رضي الله عنه qui dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit ne faites précéder Ramadan par le jeûne d'un jour ou de deux jours, sauf un homme qui avait l'habitude de jeûner alors qu'il le fasse. Ne faites précéder Ramadan du jeûne d'un jour ou de deux jours, sauf un homme qui avait l'habitude de jeûner alors qu'il le fasse. Fil hadith masail. Il y a plusieurs points à citer dans ce hadith. Premièrement, tasmiyatu shahri Ramadan bi Ramadan duna dhikri kalimat shahr. Premièrement, le fait qu'on puisse appeler le mois de Ramadan Ramadan, sans pour autant citer le mot « moi », « moi de Ramadan ». Par exemple, tu dis « je jeûne Ramadan ». Tu n'es pas obligé de dire « je jeûne le mois de Ramadan ». ذهبت طائفة من أهل العلم إلى كراهة ذلك وأنه لا تحذف كلمة شهر. Certains savants, ils voient que cela est détestable et qu'on ne doit pas effacer le mot « moi ». Tu ne dois pas dire « je vais jeûner Ramadan », mais tu dois absolument dire « je vais jeûner le mois de Ramadan. Pourquoi ? Istadallu bi hadithin akhrajahu al-Bayhaqi an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala la taqulu Ramadan fa inna Ramadan min asma'illah walakin qulu shahr Ramadan. Et donc ils se sont appuyés sur un hadith qui a été cité dans le recueil de al-Bayhaqi selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne dites pas Ramadan, car Ramadan fait partie des noms d'Allah, mais dites le mois de Ramadan. » Dites le mois de Ramadan. « وهذا الحديث ضعفه العلماء لأن في إسناده أبا معشر وهو ضعيف. » Ce hadith a été jugé faible par les savants du hadith. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans sa chaîne de transmission un individu qui s'appelle Abu Ma'char, et lui, ses chaînes de transmission ne sont pas fiables. Bel, قال ابن الجوزي في الموضوعات هذا الحديث موضوع لا أصل له. Mais plus que cela encore, ابن الجوزي, الحافظ ابن الجوزي, il a un livre qui s'appelle الموضوعات الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. C'est un livre dans lequel il va citer des hadiths qui sont maudou'a, inventés. Et donc il a cité ce hadith et il dit ce hadith est maudou'a. Ce hadith fait partie des hadiths inventés. Il n'a aucun fondement. Il n'a aucun fondement. إذن يجوز قول صوم رمضان دون ذكر لفظ شهر. Et donc il est permis de citer le jeûne de Ramadan, sans forcément dire le mot « moi ». وَقَالَ النَّسَائِي فِي السُّنَنِ بَابُ الرُّخْسَةِ فِي أَنْ يُقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانِ رَمَضَانِ. Et النَّسَائِي, il a dit dans son livre « Sunan », le chapitre montrant la permission de dire concernant le mois de Ramadan, « Ramadan ». Il a cité donc ce chapitre-là. Et le hadith qu'on voit aujourd'hui est une preuve montrant qu'on peut le dire, puisque le prophète sallam qui dit « La taqaddamu Ramadan » ne faites pas précéder Ramadan par le fait de jeûner un ou deux jours. Et donc il n'a pas dit « Ne faites pas précéder le mois de Ramadan ». « Thumma qabla al-kalam ala sawmi Ramadan la budda an na'rifa man yalzamuhu sawmi Ramadan » Avant de parler du jeûne, du fait de jeûner Ramadan, il faut déjà savoir à qui il est obligatoire de jeûner Ramadan. Fais somme Ramadan wajibun ala kulli muslimin بالغ عاقل صحيح خال من الموانع. Et donc, le fait de jeûner Ramadan, cela est obligatoire à tout musulman pubère qui a la raison, en bonne santé et qui est résident, c'est-à-dire qui n'est pas voyageur et qui ne contient pas de causes qui vont empêcher, qui vont l'interdire de jeûner. Il n'y a pas de causes qui vont l'empêcher de jeûner. Amma shirat al-bulugh wal-aql فلما أخرجه البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. En ce qui concerne le fait de mettre en condition pour que le jeûne de Ramadan soit obligatoire, le fait de mettre en condition la puberté et la raison. Nous nous basons pour cela sur le hadith qui a été cité dans le recueil d'Al-Bukhari, selon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui dit ne te rappelles-tu pas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, la plume a été levée concernant trois individus. Le fou qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se lève. Et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Idan, fi wujubi siyam yushtaratul bulugh wal aql. Lakin as-sabi yumarran ala siyami kama kana yaf'aluhu as-sahaba. Et donc, pour l'obligation du jeûne, il est pris en condition la puberté et la raison. Mais en ce qui concerne l'enfant, nous devons l'entraîner, l'habituer au jeûne, comme le faisaient les compagnons. Tu ne vas pas attendre qu'il soit pubère pour lui dire « Maintenant, tu sais, il y a quelque chose dans la vie qui s'appelle le jeûne. » « Ah oui, il y a quelque chose dans la vie qui s'appelle le jeûne. Tiens, viens, on essaie. » Ça, c'est trop tard. Il faut déjà l'habituer avant, petit à petit. Quand il commence, il fait jeûner une petite partie de la journée, etc. Et au fur et à mesure du temps, tu rajoutes, jusqu'à ce qu'il soit capable de tenir une journée, inshallah ta'ala. وَكَذَلِكَ يُشْتَرَتُ السِّحَةُ وَالْإِقَامَةُ. Et aussi, il est pris en condition la santé et le fait d'être en état de résidence, que la personne ne soit pas en voyage. Et la preuve de cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui donc d'entre vous qui est présent parmi le mois alors qu'il le jeûne, et celui qui est malade ou alors qui est en voyage, alors il rattrape les jours manqués durant d'autres jours. وَكَذَلِكَ قُلْنَا إِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ خَالِيًا مِنَ الْمَوَانِعِ. Et aussi nous avons dit que pour le musulman, il est conditionné, c'est une condition, qu'il n'y ait pas de cause qui l'empêche de jeûner. مِثَلُ ذَلِكَ الْحَيْدِ. Par exemple, les menstrues pour la femme. وَدَلِيلُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَ. La preuve de cela est le hadith de Aïcha dans Sahihain. وَقَدْ مَرَّ بِنَا. On a déjà vu ce hadith. أن معاذ قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. Et donc معاذ elle a dit à Aïcha, comment se fait-il que la femme ayant ses menstrues, elle rattrape le jeûne et elle ne rattrape pas la prière. Aïcha radiallahu anha qui dit haruriyatun anti. Aïcha qui a répondu en disant est-ce que tu es haruriya? Elle a dit la lestu haruriya walakinni es'al. Elle dit non, je ne suis pas haruriya, mais je demande. Alors Aïcha elle a dit كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Aïcha a répondu en disant cela nous arrivait, donc les menstrues, cela nous arrivait et il nous était ordonné de rattraper les jours de jeûne et de ne pas rattraper et il ne nous était pas ordonné de rattraper la salat. Et donc de cela on comprend que la femme qui a ses menstrues ne va pas jeûner. بقي لنا شرط واحد. Il reste une condition, laquelle? On a cité des conditions pour que la personne, pour qu'il soit obligatoire à la personne de jeûner. Et on les a expliquées après les conditions, avec les preuves. Il y a une qu'on n'a pas cité les preuves et qu'on n'a pas expliquées. Hein? Non. On n'a pas cité la, ça comme condition. Non, on l'a expliqué ça. Hein? L'islam, on avait dit première condition, le musulman. Il faut qu'il soit musulman. طيب هل معنى ذلك أن الكافر لا يجب عليه أن يصوم؟ Est-ce que cela veut dire que l'incroyant ne lui est pas obligatoire de jeûner? Hmm? On avait déjà vu cette mesela. تكلمنا عن هذه القضية. وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ C'est est-ce que les incroyants sont concernés par les branches de la législation? Est-ce qu'ils sont concernés par les ordres et les interdictions qu'il y a dans notre législation? ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. On a vu que les savants avaient divergé concernant ce sujet. والراجح من هذه الأقوال أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. Et l'avis le plus juste dans ce sujet, c'est que les incroyants sont concernés par les piliers de notre législation. Les preuves de cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit qalu ma salakakum fi saqar, il dit qu'est-ce qui vous a entraîné dans l'enfer. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma al-kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin. Il dit ce qui nous a entraîné dans l'enfer, c'est que nous ne faisons pas partie des prieurs, de ceux qui priaient, et nous ne faisions pas partie de ceux qui nourrissaient les pauvres. Ceux qui nourrissaient les pauvres, ça fait partie donc des branches de la législation. Ils n'ont pas nourri les pauvres. Ça a été une cause qui les entraîne en enfer. Et aussi, nous nous associons aux gens du faux dans leurs conversations. Et nous avons mécru au jour de la rétribution jusqu'à ce que nous vienne la mort. Hatta etan al-yakin. Et aussi la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'ami al-miskin. Certes, celui-ci ne croyait pas en Allah al-'azim, le tout-puissant. Et wa la yahuddu 'ala ta'ami al-miskin. Et il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Donc il ne croyait pas, hein? Et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Donc ce n'est pas que le fait qu'il ne croyait pas qu'il a entraîné en enfer, mais aussi le fait qu'il n'a pas incité à nourrir le pauvre. Et donc, fal kuffar mu'adhabuna ala tarkihim usul ash-shari'a wa furu'aha wa furu'iha. Et donc les incroyants sont châtiés par le fait qu'ils ont délaissé les fondements de la législation ainsi que les branches de celle-ci, les ordres et les interdictions. فالصيام واجب في حقهم لكنهم لا يطالبون به لأنه لا يقبل منهم حتى يسلموا ويعذبون على تركه. Et donc ils sont le jeûne est obligatoire concernant les incroyants. Cependant, il ne leur est pas demandé de jeûner. Il ne leur est pas demandé de jeûner parce que cela n'est pas accepté d'eux jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Et ils sont châtiés par le fait qu'ils délaissent le jeûne. ومن هنا قال العلامة عبد المحسن العباد رحمه الله بعدم جواز بيع الطعام في نهار رمضان للمسلمين والكفار. Et à partir de là, en se basant sur cela, le cheikh العلامة عبد المحسن العباد رحمه الله, il a dit qu'il n'était pas permis de vendre de la nourriture pendant la journée de Ramadan. Pendant la journée, il n'est pas permis de vendre de la nourriture aux musulmans ni aux non-musulmans. Ce n'est pas permis. وَنَكُلُهُ مِنَ الْآنِ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ يَشْتَغِلُونَ وَيَمْلِكُونَ الْمَطَعِيمِ. Et donc, nous prévenons dès maintenant nos frères qui travaillent et qui possèdent des restaurants. Pendant la journée de Ramadan, on ne vend pas aux musulmans ni aux incroyants de la nourriture pour qu'ils mangent pendant Ramadan. Naam. Oui, là on parle de ceux qui vendent de la nourriture qui va être mangée tout de suite pendant la journée. On ne parle pas de ceux qui vont vendre de la nourriture à quelqu'un qui va la manger après le maghrib. Donc attention, on fait la distinction entre les deux. ثم نرجع إلى حديث اليوم ففي الصيام ففيه الصيام في شعبان. On retourne donc au hadith du jour. Il y a dans ce hadith le fait de jeûner pendant le mois de Sha'ban. On est en quel mois là? Rajab. Et après Rajab, c'est Sha'ban. On est le combien de Rajab? 16. On est le 16 de Sha'ban. De Rajab. On est le 16 de Rajab. Donc Sha'ban, c'est bientôt. Ce hadith, le premier hadith qu'on voit, concerne le fait de jeûner pendant Sha'ban. وقد اختلف العلماء في الصيام بعد انتصاف شعبان وذلك الاختلاف الاحاديث الوارده في الباب. Et certes, les savants ont divergé concernant le fait de jeûner après la moitié de Sha'ban, et ce à cause des ahadiths qui se contredisent dans ce sujet. Attention, une contradiction selon nous, notre compréhension, parce que sinon il n'y a pas de contradiction dans la législation. Mais parfois, une personne, au premier regard, il se peut qu'elle comprenne une contradiction. Mais dans notre législation, il n'y a pas de contradiction. Et voici quelques hadiths dans ce sujet. Akhraj al-Bukhari wa Muslim. An Aisha radhiyallahu anha, annaha qalat: Ma ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahrin illa Ramadan, wa ma ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi Sha'ban. Aïcha radiallahu anha qui dit, comme dans Sahih al-Bukhari, et Muslim, elle dit: je n'ai pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois entier en dehors de Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner plus que le mois de Sha'ban. Donc les autres mois, elle ne l'a pas vu jeûner plus que le mois de Sha'ban. Dans une autre narration, elle dit: kana yasumu Sha'ban kullahu illa qalila. Elle dit, il jeûnait le mois de Sha'ban entier, sauf une partie. Et donc, il jeûnait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le mois de Sha'ban, sauf une petite partie. فهذا الحديث يدل على استحباب الصيام في شعبان إلا جزء يسير أو إلا جزء يسير. Et donc, dans ce hadith, on voit le fait qu'il est recommandé de jeûner pendant le mois de Sha'ban. C'est bientôt, inshallah, dans deux semaines à peu près. Il est recommandé de beaucoup jeûner durant ce mois, sauf une petite partie. وجاء حديث آخر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. Il a été aussi cité un autre hadith dans le recueil d'Abu Daoud et de Tirmidhi, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: lorsque le mois de Sha'ban arrive à la moitié, alors ne jeûnez pas. Lorsque le mois de Sha'ban atteint la moitié, alors ne jeûnez pas. Comment est-ce qu'on rassemble les deux hadiths? Dans ce deuxième hadith, on voit qu'il ne faut pas jeûner après la deuxième moitié de Sha'ban. Dans le premier hadith, on voit qu'il est recommandé de jeûner tout le mois de Sha'ban, sauf une toute petite partie. Et le hadith qu'on étudie aujourd'hui, il montre qu'on peut jeûner après la deuxième partie de Sha'ban. Le prophète qui dit: la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawm aw yawmayn. Ne faites pas précéder le mois de Ramadan par le fait de jeûner un ou deux jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 jours avant Ramadan, 4 jours avant Ramadan, 5, 10 jours avant Ramadan, tu peux jeûner. Et là, tu es dans Sha'ban. Et donc, comment on fait pour rassembler tout ça? Fait qu'on est bardul ulama. Et donc, le dernier point qu'on voit, inshallah ta'ala, qu'on est bardul ulama, innal mar'a. إن صام قبل النصف من شعبان ثم أراد أن يصوم بعد النصف كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك. Les savants, ils voient, certains savants, ils disent: l'individu qui a jeûné avant la moitié de Sha'ban et ensuite on arrive à la moitié de Sha'ban, il veut continuer de jeûner pendant la deuxième moitié, alors lui, il peut le faire. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Tu as commencé à jeûner pendant la première moitié, tu arrives à la moitié de Sha'ban, tu continues. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait. Walakin law kana shakhs lam yasum fil juz' al-awwal fil nisf al-awwal min Sha'ban thumma ja'a an-nisf al-thani fala yasum. Par contre, la personne qui n'a pas jeûné pendant la première moitié de Sha'ban, et ensuite, on arrive au 15, et là, il se dit: ah, je veux jeûner maintenant. On va lui dire: khalas, c'est bon. Là, maintenant, tu rentres dans le hadith où il y a l'interdiction. Tu rentres dans le hadith où il y a l'interdiction. Et ils ont aussi cité, là où kana shakhs yasum sawman, kana muta'awwidan ala sawm. La personne, si elle a l'habitude de jeûner un jeûne. Elle avait l'habitude de jeûner un jour spécifique. Kana yasum al ithnain wal khamis. Comme le fait que la personne, elle a l'habitude de jeûner les lundis ou les jeudis. À ce moment-là, oui, elle continue de jeûner. Pourquoi? À cause du hadith qu'on a vu aujourd'hui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit la taqaddamu ramadan bi sawmi yawm aw yawmayn illa rajulan kana yasum yawman falyasum. Ne précédez pas Ramadan par le fait de jeûner un ou deux jours sauf un homme qui avait l'habitude de jeûner alors qu'il le fasse. Il avait une habitude d'avoir un jeûne spécifique alors qu'il le fasse. Donc la personne qui veut jeûner pendant la deuxième moitié de Sha'ban, on lui dit soit tu commences avant la moitié de Sha'ban, donc tu commences pendant la première moitié, soit tu as déjà un jeûne que tu as l'habitude de faire, et donc tu continues à le faire pendant cette deuxième partie. Le fait de jeûner tous les lundis et jeudis, ou le fait de jeûner un jour sur deux, etc. Ça, tu peux continuer à le faire pendant la deuxième partie de Sha'ban. Et on va voir les autres sujets du hadith, inshallah ta'ala, demain. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde une science profitable, il est certes capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا